Nature et moi, le jeudi de 17h30 à 18h. Bienvenue à tous dans La Nature et moi, l'émission qui vous permet d'exprimer votre émotion face à ce bouleversement climatique et de partager vos engagements envers cette belle planète. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Alexandre Lamarque. Bonjour. Alors, Alexandre est fondateur, leader de la ferme du Plateau de Haye à Maxéville, association aux multiples actions écologiques et sociales. Alors, cette formidable ferme pédagogique propose des formations en apiculture, en permaculture, des stages d'éco-construction, de la vente de fruits et légumes, du yoga, de la naturopathie, une multitude d'activités en fait. Et sur le site internet, tu expliques, Alexandre, que la mission est de proposer des systèmes alternatifs en open source le plus que possible, faire de la recherche en ce sens, vivre nos alternatives pour les rendre désirables. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'association ? L'association, en fin de compte, on a commencé à travailler réellement sur le site à partir du 1er mars 2018. Donc ça fait un tout petit peu plus d'un an et demi qu'on travaille dessus. Et pour résumer, on va dire que c'est un lieu donc pluridisciplinaire, comme tu l'as dit, protéiforme, parce que c'est toujours en mouvement. Et la philosophie, c'est justement de revoir nos modes de fonctionnement. Donc c'est au sens large que je dis ça. Ça D'accord. passe par nos manières de consommer et pas que de l'alimentaire. Ouais. Notre rapport aux énergies, notre rapport à l'autre aussi. Et quand je dis l'autre, ça peut être autant un être humain qu'un animal, qu'une forêt ou autre. D'accord. Et puis d'autres choses, mais voilà. Et puis après, il y a aussi des termes qui sont des leitmotifs du projet, comme l'autonomie, le vivre ensemble, des choses comme ça. C'est assez pluridisciplinaire, quoi. Mais alors, donc, comment ça a vraiment commencé l'aventure, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est toi tout seul, t'as eu l'idée ? Alors au départ, en fin de compte, il y a une personne que je ne connaissais pas qui est venue me rencontrer parce qu'il voulait faire du maraîchage et travailler avec les écoles. Ouais. Je l'ai suivi dans cette idée-là et à partir de ça, donc, j'ai développé un projet qui a beaucoup grandi et est venu s'étayer en termes de propositions. Ouais. Puisque quand la mairie de Maxéville nous a proposé le lieu des écuries donc, sur le plateau de Haye, donc ce qui aussi indirectement et montre que c'était pas une volonté de se retrouver sur le plateau de Haye. Nous on n'avait pas de terrain, on n'avait rien. Ouais. On avait juste des idées et beaucoup d'envie et ils nous ont proposé un site qui, par exemple, quand on part sur du design permaculturel, on dit que c'est toujours la rencontre entre un rêve et justement un site. Et là, le site permettant de faire beaucoup de choses, eh ben on s'est dit bah, pourquoi pas aller beaucoup plus loin que juste faire du maraîchage, d'où l'apiculture, l'aquaponie qu'on va lancer, ouais. un pôle santé. Il y a une très grande dynamique aussi sociale puisqu'on est sur un quartier politique de la ville, certains diront la cité. Enfin, donc voilà. Et vous êtes combien en fait dans l'équipe ? Une dizaine, non ? Enfin, si on prend tout le monde, après l'équipe, ça dépend de qu'est-ce qu'on les entend par l'équipe. Les salariés, zéro pour l'instant. Zéro. Ah ouais, c'est que des bénévoles en fait. Ouais, mais alors après, le but c'est justement d'avoir une structure professionnelle parce que même si j'ai choisi de l'associatif, ouais. on aurait pu partir sur une entreprise, ouais. mais on voulait abandonner les dividendes pour montrer que c'était pas pour des raisons pécuniaires. Mmh. Maintenant, c'est pas une association comme une amicale de bouliste ou une association de quartier. C'est-à-dire que nous, on veut une association mais professionnelle, ouais. donc avec des salariés qui sont des experts dans leur domaine. Et donc, ça nous permettra d'avoir une qualité de travail qui est autre qu'une association composée simplement de bénévoles. Ouais. Parce qu'on a du mal à pérenniser le bénévolat. Ouais, il y a beaucoup sûr. De turnover. Et puis, on peut pas demander, et c'est légitime. À quelqu'un qui donne déjà de son temps pour des structures, bah en plus de le faire parfaitement, de travailler comme s'il était salarié, donc ça a beaucoup de limites. D'accord. Et comme nous, le but, c'est de réinventer un modèle économique, humain, enfin voilà, au sens large du terme, l'associatif qu'avec du bénévole, c'est pas viable. Ouais. Donc là, c'est le but, c'est d'avoir un apiculteur professionnel, un éco-constructeur professionnel, des professionnels aussi de la santé. Je dis bien de la santé, pas de la maladie, parce que ouais. en Occident, on est plutôt expert de la maladie et pas de la santé. Et puis ainsi de suite, pareil pour le maraîcher. Et vous dites, ouais, vivre nos alternatives pour les rendre désirables. Et comment tu penses rendre désirables, en fait, les alternatives ? Bah parce qu'aujourd'hui, on a un modèle à réinventer. Ouais. Et même si on a beaucoup, beaucoup d'éléments sur le papier ou à droite, à gauche. on le vit pas encore. Ouais. Et c'est comme ce qu'on dit, là, les yaks à faucons, quoi. Oui. Et en plus, on se dit que même avec certains mauvais penchants qu'on peut avoir l'être humain, bah autant, pourquoi pas aussi jouer sur les jalousies ou des choses comme ça. Puisque si à côté de chez moi, je vois une personne qui vit bien, qui n'est pas un loup pour l'homme, qui ne détruit pas son environnement, qui en plus vit bien, etc. Qui est heureux, ouais. Bah, je vais me dire, bah, merde, pourquoi moi aussi, je ne fais pas pareil. Problème, c'est qu'actuellement, tout le monde dit oui, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. Et ça amène à une politique de l'autruche. D'accord. Et à un immobilisme. Et de toute façon, c'est aussi très très bien tourné pour nous amener à ça, parce que souvent, c'est pas change ta vie, change ton quartier, change en bas de ce qu'il y a en bas de chez toi, change l'arbre de ton parc. Non, c'est sauve la planète. Oui, c'est beaucoup. Hein. Oui, donc énorme. Qu'est-ce qu'un être humain va faire face à ça? Mais ouais. Donc voilà. D'accord. Alors, le samedi 21 septembre, vous organisez pour la deuxième année consécutive les World Clean Up Day. C'est ça. Dans le parc forestier du Plateau de Vie. Donc, ouais. Il s'agit de ramasser les déchets laissés par les personnes irrespectueuses de l'environnement. Ouais, tout à fait. Moi, je l'ai défini comme ça. Ouais, c'est ça. Et alors, là, en fait, donc, la situation... parce que là, donc, ramasser les déchets, donc, ça fait la deuxième année. Ouais. Depuis un an, tu remarques qu'il y a plus de déchets ou c'est... Ah bah, ça, on le verra, là, c'est mathématique, on peut pas mentir. L'année dernière, on avait fait 850 kilos dans le parc. D'accord. Alors, bah, on espère qu'il y en aura moins. Alors, ouais, aussi, ouais. Pareil, pour qu'il y ait une visée pédagogique juste... Enfin, autre que de faire un coup. C'est-à-dire que là, on travaille sur un panneau avec un de nos stagiaires qui est en BTS, gestion protection de la nature à Pixérécourt, et avec aussi des étudiants de l'ENSA, donc en design beaux-arts. Ouais. Et ce panneau, la visée, ça sera justement de le mettre dans le parc pour expliquer aux gens l'impact de leurs déchets, avec aussi le temps de dégradation. Bon, ça, tout le monde connaît, mais après, ramener quelle est l'alternative à des choses qui sont à usage unique. Parce que des fois, on n'a pas forcément les idées des alternatives, quoi. C'est ça, faites exactement. Pas ça, mais faites quoi d'autre, quoi. Il y a plein de choses qu'on aimerait changer, mais parfois, on ne sait pas comment, ou alors il n'y a pas de solution, ce qui est assez frustrant. Mais là, c'est justement de guider aux personnes, pas juste de les culpabiliser en disant « Oui, mais tu vois, c'est pas bien ce que tu fais, tu jettes tes plastiques. » Si on n'a rien à leur proposer à côté, c'est aussi un peu comme vivre nos alternatives. Voilà. C'est-à-dire que si on n'a rien à expliquer, à montrer, à faire, bah autant rien dire, quoi. Et puis sur ce panneau-là, on pourrait avoir justement aussi un suivi de la récupération des déchets année par année. Parce que ce qu'on s'est rendu compte dans le parc forestier, c'est que la métropole a mis en place des grands bacs en bois pour jeter ces déchets et ils sont ramassés une fois par an. Mais ce n'est pas expliqué aux gens pourquoi, quelle est l'attitude. Ouais. Ce qui fait que ça amène un sentiment d'abandon, qui est en plus récurrent dans les quartiers en France. Et les gens se disaient, vous voyez, regardez, souvent on nous l'a dit, on s'en moque, on laisse les déchets, c'est pas ramassé, etc. Et donc, une fois que j'ai évoqué le problème avec les services de la métropole, ils m'ont dit, mais pas du tout, justement, c'est pour que les gens puissent apprécier leur production de déchets, et puis chaque année, on les vide. D'accord, mais il faut expliquer mieux. Exactement, donc là, on est en train de travailler sur un outil de médiation, ça sera un panneau qui va expliquer ça, et puis ça réglera le problème. Mais on avait eu le même cas de figure aussi sur le quartier des Aulnes à Maxéville, où quand les services techniques se sont mis à faire du fauchage tardif, n'ayant pas communiqué auprès des habitants, les gens se plaignaient, encore une fois, le sempiternel reproche, vous ne vous occupez pas de nous, vous tondez même pas les pelouses, c'est pas joli, etc. Enfin, après, ça, c'est discutable. Mais alors que quand ils ont été interpellés, ils ont dit, mais non, mais regardez, est-ce que vous voyez des papillons maintenant dans le quartier? Alors les gens disaient, oui, il y a beaucoup plus d'insectes. Ils disaient, c'est pour ça. Voilà. Alors là, ils l'ont totalement compris. Ils en étaient même contents. Okay. Mais on voit bien que, comme souvent, quand il n'y a pas de communication autour de certaines actions, ça amène à certains couacs. C'est clair. Voilà. Alors là, ça m'amène aussi à ton souvenir fort, qui est en fait joué au trappeur pendant ton enfance. Alors je te cite, petit, nous avions une maison de campagne près de Montargis, et armé de mon livre Copain des bois, je m'amusais à toutes sortes de choses dans les champs, les bois, etc. Cabane, menuiserie, bricolage, vélo, apprentissage de la faune et de la flore. Alors petit, c'est quoi, 7-8 ans Au primaire, parce que cette maison de campagne, on y allait jusqu'à ce que je déménage de Paris, avant j'habitais dans Paris même, vers Châtelet-Léal. Et donc tous les week-ends, on partait là-bas, mais à partir du CM2, j'étais en banlieue, et donc on n'avait plus de maison de campagne. Mais moi, je sais que j'adorais, d'ailleurs, ça existe encore, Copain des bois, c'est un bouquin qui, les gens ne le voient pas, mais ça fait peut-être sur l'épaisseur du bouquin, c'est la longueur d'un pouce, approximativement. Il y a de quoi faire. Et dedans, il y avait comment fabriquer une cabane, avec différents types de cabanes, comment aussi on peut faire un four solaire, des cuissons, un bois, les types de manières de faire un bois, aussi les traces des animaux, enfin tous ces trucs-là. Ah, génial. Et moi, j'adorais beaucoup. Et puis, j'avais la chance aussi d'avoir un voisin qui était une personne âgée qui n'avait pas de petits-enfants. Ah. Et moi, n'ayant pas de grands-parents que je voyais très souvent, je les voyais très, très, très, très, très rarement pendant mon enfance. Et donc, bah, forcément, le lien s'est fait. C'était un peu mes grands-parents de cœur. Et ce monsieur-là, qui était un Italien et qui est décédé, malheureusement, petit Louis, il s'appelait. Enfin, c'est moi comme ça que je l'appelais comme ça. Et ben, c'était un ébéniste. Ah, d'accord. Et donc, je bricolais énormément avec lui. On faisait des bateaux en balsac, en bois très léger. Où il m'a appris à poser des rustines sur un vélo, des trucs tout cons. Mais pourtant, pour moi, c'est capital. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des jeunes qui ont 20 ans, et qui ne savent pas poser une rustine, qui ne savent pas faire de bricolage. Une fois, j'ai eu des étudiants avec qui on a travaillé un petit peu sur des trucs manuels, et ils ne savaient même pas la différence entre une clé plate, des tournevis cruciformes, des choses comme ça. Oui, il y a des choses peut-être que je ne saurais pas non plus. Bah ouais, mais c'est quand même hallucinant aujourd'hui d'arriver à plus de 20 ans et ne même pas savoir les noms des outils. Oui, ça, oui. Ne pas savoir, réparer un tiroir, le béaba, quoi. Ouais. Ah bah, faut essayer avec le téléphone. Bah oui, en plus aujourd'hui il y a des tutos YouTube, on peut apprendre plein de choses. Non mais oui, le téléphone, ça remplace le... Ah oui, ok, d'accord. Le marteau. J'avais pas compris, oui, ok. Donc en fait, la création de la ferme du Plateau de Vie, c'est un peu en quelque sorte, je dirais, une manière de donner aux autres la possibilité de vivre aussi les émotions que t'as vécues pendant ton enfance. C'est un petit peu retrouver... Ouais. c'est un peu tiré par les cheveux. Non, en plus, il y a... C'est pas spécialement de lien entre mon enfance et ça. D'accord. C'était pas je veux retrouver... Non, ou même offrir aux autres l'opportunité de retrouver ce lien avec la nature que toi aussi t'as pu vivre et puis te dire mais en fait c'était chouette quoi. Ah, pour des jeunes de quartier. Oui, ça c'est sûr, mais c'était pas vraiment la volonté de départ. Okay. La volonté de départ, c'est... on fait tous le même constat que la société actuelle court à la catastrophe. Maintenant d'ailleurs... Malheureusement, on sait que ça sera inévitable. Alors, est-ce qu'on va ralentir suffisamment pour pas que ça soit catastrophique à l'échelle de la planète ? Est-ce qu'il y aura malheureusement, de toute façon, quoi qu'il arrive, quelques morts ? Comment on peut le quantifier, tout ça, je sais pas. Je voulais, comme ce que d'ailleurs Pierre Rabhi nous a tous appris, faire ma part. Et puis avoir ce sentiment de culpabilité, de profiter de la vie, parce qu'en Occident, qui qu'on soit... On profite, quoi qu'il arrive, même dans les quartiers de France, c'est difficile, mais quand on voit ce qui peut se passer en Afrique ou dans d'autres endroits, c'est quand même mieux. Donc voilà, c'était juste... on va dire que c'est politique, mais au sens radical du terme, c'est-à-dire que réorganisons la société actuelle et à l'échelle d'un territoire, parce qu'il n'y a pas de prétention à amener un message à l'échelle régionale, nationale et de faire des grands discours, non. C'est justement l'inverse de ce « sauve ta planète », non. La planète, on la sauvera jamais. Par contre, sauver des choses qu'il y a à sauver à l'échelle du territoire sur lequel on se trouve, à savoir le plateau de Haye, ou si on va tirer un petit peu plus loin la métropole, ça, on a une action, parce que ne serait-ce que physiquement, on peut se balader sur la localité, on peut rencontrer les gens, on peut discuter, on peut faire des partenariats, des actions, des choses comme ça. D'accord. On va faire le premier intermède musical. Ouais. Et j'ai choisi Charles Aznavour, Hier encore. Allez. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés. Que je reste perdu ne sachant d'où aller. Les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps. En croyant l'arrêter et pour le retenir même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer. le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Nous venons d'écouter Charles Aznavour hier encore. Vous êtes sur Fadjet dans l'émission La Nature et moi, où chaque invité partage ses engagements pour la planète et son souvenir marquant face à la nature. Alors Alexandre Lamarck est le fondateur d'une ferme pédagogique du plateau de Haye près de Nancy. Alors tu as voulu me reparler donc des World Clean Up Day. Dis-moi. Exactement, oui. Bah, juste pour citer les partenaires et les remercier, parce que ça me semble important. Ouais. Cette année, on le fait avec Kiloutou, qui nous prête donc 2 camions pour pouvoir ramener les déchets sur le centre de la RIMA, avec Veolia à Ludo. Les employés aussi viennent nous donner un coup de main au ramassage. Donc Veolia aussi accepte de nous traiter les déchets gratuitement et de nous peser les camions à la balance pour pouvoir voir justement est-ce qu'on a fait plus ou moins que l'année dernière. Il y a le Super U qui nous a prêté les sacs, enfin prêté, donné les sacs poubelles, voilà, ouais, pour pouvoir faire le ramassage. Et puis on a aussi des entreprises et des habitants qui vont venir nous aider, des associations, l'ASAE Franca, le VS, des employés de chez Total d'ailleurs, parce qu'il y a Total qui travaille sur le plateau de Haye à côté, là dans la zone franche urbaine. Et connaissant une personne qui travaillait là-bas, bah, les employés de leur bureau. En plus, c'est marrant parce que c'est Total, quoi. Oui. Après, voilà, je fais la différence entre le groupe et puis une personne qui travaille chez eux. Ouais, tout le monde n'est pas foncièrement mauvais, même s'il travaille chez Total, c'est sûr. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que malheureusement, il faut bien bouffer. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Mais ouais, en attendant, ils viennent quand même nous aider au ramassage des déchets. Et donc, bah, on les remercie pour le coup de main et puis on leur dit à samedi, voilà. C'est cool. Waouh, c'est bien. Alors, vous avez eu d'autres prix aussi, hein. Meilleur miel de printemps, premier prix dans la catégorie aménagement des territoires, trophée de l'environnement. Mais il y a plein, c'est félicitations, quoi. Il y a plein de choses. Et il y a un projet d'agrandissement aussi de l'espace de maraîchage. Oui. Waouh, c'est. Bah, si on veut pérenniser l'ensemble des activités qu'on souhaite développer, et ce qui en ferait un des plus beaux projets de France, puisque on regrouperait l'ensemble des branches de la permaculture sur un seul site. Alors que malheureusement, la permaculture, c'est très souvent réduit au maraîchage, alors que c'est pas du tout ça. C'est une philosophie qui regroupe de la spiritualité, de la santé, du vivre ensemble, plein de choses. D'accord. Et dans cet agrandissement-là, oui, en partie, il y aurait aussi donc une parcelle de 5000 m² qui serait dédiée à 100% au maraîchage. On a déjà un partenariat qui est fait et qu'on espère pouvoir honorer rapidement, qui est un partenariat double avec le Collège La Fontaine. D'accord. Qui lui permettrait de devenir collège éco-responsable en vendant la quasi-totalité de notre production pour leur cantine. Super. On récupérait les déchets de la cantine pour les utiliser sur le site de la ferme. On a déjà un financement du département pour construire une serre dans la cour du collège pour les intégrer, l'ensemble des collégiens, aux plantations en lançant une partie des semis. Et un vrai programme pédagogique sur toute l'année avec la classe Ulysse. Parce qu'avec une planche de légumes, on peut apprendre les parallèles, les perpendiculaires, à calculer. Mais au moins dans un jardin, avec des légumes. Génial. L'outil pédagogique est autre qu'une feuille, un stylo et un manuel. Il y a tout, quoi, c'est complet, quoi. Ouais, et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'on lancerait aussi un symbole fort pour les habitants, puisque l'autre partie, on la vendrait au restaurant étoilé de Nancy, la maison dans le parc, avec Françoise Mutel, qu'on salue aussi. Qui a accepté de nous suivre. Et là, en plus, ce qui est bien, en plus du message pour les habitants du quartier, qui est la qualité qui va dans votre cantine est la même que celle qui va dans le meilleur restaurant de la région, et qui est fort, en plus, on donne de la noblesse au métier d'agriculteur et de maraîcher, puisqu'on essaierait de viser une quintessence en termes de légumes. Et ça, c'est beau. puisque malheureusement aujourd'hui tous les métiers manuels ont perdu de leur noblesse. Mais moi je suis désolé, un mec qui est ébéniste, il fait pas du IKEA. Et ça peut être génial que de travailler le bois ou autre métier manuel, hein, peu importe, même un plombier. Il y a des gens dans le bâtiment qui font un boulot dingue et c'est pas valorisé. C'est sûr. Alors, on va partir à aussi avoir ton émotion, enfin plutôt une multitude d'émotions. Parce que tu m'as dit, en fait, je suis passée par plusieurs sentiments ces dernières années, depuis tout petit à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé consciemment d'adopter une posture stoïque afin de gagner en pragmatisme, ne pas être le lapin bloqué dans les phares. Alors, combien de lapins penses-tu bloquer aujourd'hui à regarder immobile la voiture qui leur arrive dessus? Ça, je sais pas. Je sais pas. Alors, par contre, est-ce que tu peux nous détailler une émotion par laquelle tu es passé qui t'a assez bouleversé ou, Alors, moi, ça a plutôt été de la colère, on va dire. Ouais. Pas de la résignation, mais de la colère. Parce que voilà, j'étais révolté de voir le monde dans lequel on évolue et vers quoi on va. Mm-hmm. Et maintenant, le problème, c'est que la colère, elle n'a rien de constructive. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça que, aussi, parce que j'ai mis longtemps, un an, à trouver les bonnes valeurs et principes de la ferme, qui sont d'ailleurs sur le site, et même l'ordre dans lequel elles sont indiquées. Rien n'a été fait au hasard. Mmh. Et dedans, il y a de la résilience, soit je perds, soit je gagne. Et aussi être positif. On reste loin des personnes négatives. Mmh. Et puis se battre pour un monde et non pas contre ce monde en termes de vibration, d'énergie, c'est pas du tout pareil. Ouais. Se dire voilà, je veux casser la gueule au système et le détruire. Ce qui anime la personne, c'est pas pareil que non, moi je m'en moque de ça. Moi, ce que je veux, c'est juste construire un monde sympa. Mmh. Ce qui nous anime, c'est pas du tout pareil. Ouais, c'est clair. Et dans les activités, là, depuis un an, tu vois les gens évoluer, ceux qui t'accueillent, ceux qui viennent là. Est-ce qu'il y a un mouvement comme ça qui commence à se faire, les gens qui adhèrent À notre oui. projet. Oui, la ah ferme, bah oui, tout de ça, plus, là, de plus un... en plus. Ouais. Et puis ce qui a été très, très motivant, c'est que ça allait très très vite. Ouais. Ça allait très très très très vite. Maintenant, on n'est pas seul. Ce qui est intéressant, sur le bassin nancéen, c'est que depuis, on va dire, 2-3 ans, à partir du moment où on a commencé à bosser sur le projet, il y a tout un mouvement qui s'est lancé sur Nancy. Pour ma part, grandement aidé par Alternatiba. Ouais. Mais ça foisonne. Entre Youth for Climate maintenant sur Nancy, les marches pour le climat, le plan B, Alternatiba, la Cantoche, Zéro Déchet Nancy, les jardins citoyens à l'Axou, les jardins partagés des étudiants de Nancy. Enfin, il y a plein de choses qui se montrent. Greenpeace, la ferme du plateau de Haye. Tout ça, c'est positif, c'est bien. Bah ouais, il y a plein de brasseurs, de micro-brasseries. Et puis même là, on travaille juste après notre rendez-vous d'aujourd'hui. On se rencontre avec d'autres personnes pour le lancement de start-up de territoire qu'on a monté. Okay. Et qui va justement aussi permettre de l'émergence de nouveaux moyens de faire. Je sais pas, pourquoi pas relancer les consignes sur la métropole. Enfin, en tout cas, start-up de territoire, c'est un regroupement d'entreprises, d'associations, mmh. avec des partenaires financiers. Et on espère qu'ensemble, on pourra faire la différence à l'échelle du territoire, ouais. en trouvant un consensus, en ayant aussi des convergences de lutte, des choses comme ça. Ça se fait déjà sur Strasbourg, on travaille d'ailleurs avec eux pour nous aider sur le lancement. Eux, quand ils ont fait les premières concertations citoyennes, ils étaient 4-5 000 dans un stade. Donc c'est génial, c'est génial. Et là, on va faire pareil au SLUC de Nancy, où on espère qu'il y aura un maximum de Nancéens pour l'occasion. Tu sais la date ou faut... Non, ce sera, non, ce sera au printemps oui. de l'année prochaine. Là, on est encore sur la phase de préparatifs. Nous, on soit préparés à ça, ouais. formés pour animer une telle concertation. Ouais. Et puis après, on verra comment ça va se jouer. Mais si ma mémoire est bonne, ça sera sûr et certain au printemps, mais il me semble que ce sera en juin. D'accord. Mais je suis pas sûr. Bah, d'ici là, tu reviendras, tu nous, tu nous rediras. Ok, bah on va passer à notre deuxième choix musical avec Creedence Clearwater Revival avec leur titre Fortunate Son. Alors nous venons d'écouter Creedence Clearwater Revival Fortunate Son. Vous êtes bien sûr Fadjet, l'émission La Nature et moi, et nous sommes toujours en compagnie d'Alexandre Lamarque, qui nous a fait partager son expérience ou ses expériences émotionnelles face à la catastrophe environnementale. Et alors pour reparler un petit peu du groupe de musique que l'on vient d'entendre, donc ce groupe est apparemment comme le meilleur groupe de rock à la fin des années 60. Et petite signification de leur nom, Creedence, c'est le nom d'un ami, sachant que Creedence signifie croyance et Clear Water, ce qui est une marque de bière, se traduit également par eau claire, comme quoi les noms de groupes peuvent avoir de drôles d'origine. Alors après, c'est vrai que le titre, pourquoi tu l'as choisi ? Parce que c'est vrai que c'est un hymne apparemment contre la guerre du Vietnam. Bon alors là c'était pas pour des raisons politiques ou quoi hein. C'est ouais. Juste que c'est un quand tu m'as posé la question de son, je sais pas si t'as remarqué, je t'ai mis de la musique classique, oui. Du rock, de la musique latine, ouais, de la variété française, ouais, je suis assez éclectique là-dessus. Puis après c'était en gros un peu toi de ouais. Faire ta popote dans j'ai choisi celui-là, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une période pendant la guerre du Vietnam où il y avait des sons rock que j'apprécie. Après voilà, il y a aussi des sons rock plus jeunes ou plus vieux ouais. Que j'aime tout autant. D'accord. Alors on va passer par la partie culturelle. Alors tu m'avais dit ouais, que tu n'avais pas choisi d'œuvre artistique. Alors moi j'avais carte blanche. Bah parce que c'est toujours compliqué à ouais, chaque fois oui. Tes trois livres préférés, tes trois films préférés, il y en a plein, je sais pas, j'arriverai pas à ouais. Faire un top 3 ou ben en fait moi j'ai repris le livre Copain des bois. OK. Et voilà. D'accord. Et donc bah comme tu avais dit hein, bon c'est un livre pour enfants dès 8 ans qui propose de partir à la découverte du monde qui les entoure avec des dessins, des photographies et qui donne à découvrir les bois, voilà, identifier les essences d'arbres, observer les animaux, donc voilà, tu m'as dit reconnaître les traces des animaux. C'est ça. Alors, l'auteur est René Kaiser, et elle a su, dans l'approfondissement de ses connaissances, en fait, elle a su faire bénéficier son entourage puis ses lecteurs, et elle a aussi écrit d'autres choses, les grands livres des saisons, l'amour des jardins. Elle a eu deux passions, hein, d'une part la nature et le jardinage, dont elle a fait sa profession, et d'autre part la cuisine. Voilà, elle possédait un véritable talent culinaire, apparemment. Bah, la suite du jardinage, quoi. Ouais, sûrement. Elle s'est dit, tiens. Non, mais en tout cas, les Copains des bois, pour les enfants, c'est génial. Ouais. S'il y a des personnes qui cherchent un cadeau pour un enfant, enfin, au primaire, à peu près, c'est ça, quoi. Ouais. C'est parfait. Bah, puis après, apparemment, quand l'enfant grandit, il fait des fermes pédagogiques. Et c'est génial pour tout le monde, en fait. Donc, c'est pour tout le monde, là. Ça, voilà, tout le monde bénéficie. Bien, bah, écoute, on arrive déjà à la fin de l'émission. J'aurais une question. Ouais, je pioche. Souvent, c'est celle que je fais, c'est quel serait ton monde rêvé ? Mon monde rêvé ? C'est énorme. Il reste combien de temps ? On a déjà dépassé le temps. Mon monde rêvé, ça serait un monde où on peut être libre, mais après la liberté, si un mec en face de moi c'est un psychopathe, est-ce qu'on doit le laisser libre ? Je sais pas. Liberté, la simplicité. Non, mais je veux pas tomber dans le sempiternel discours qui fait un peu Miss France, la paix dans le monde, que tout le monde mange à sa faim. C'est... Non, mon monde rêvé, ça serait justement d'arriver à avoir des sociétés respectueuses des citoyens, avec un système économique qui soit respectueux autant de l'environnement que de l'être humain, avec une meilleure répartition des prises de décision à l'échelle politique. Enfin, ouais. Honnêtement, je pourrais répondre, mais là, on est en une minute. Ouais, c'était... C'est compliqué. Mais tu as déjà dit la majeure partie. Mais ouais. En une minute, sans tomber dans les phrases bateau Miss France, franchement, c'est compliqué. Mais je pense qu'on a tous saisi ton idée. Alors, voilà, écoute, on va finir. Merci, Alexandre Lamarck. Bien, merci à toi. De nous avoir fait partager tes engagements, ton émotion face à cette belle nature. Ce fut un moment particulièrement touchant, intense. Alors, chers amis, je vous rappelle que l'émission est podcastée. Pour participer à l'émission, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de Fadjet ou sur ma page Facebook La Nature et Moi. Vous y retrouverez les références culturelles, sociales et musicales. En attendant de partager avec vous un autre moment émotionnel, je vous souhaite une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, laissez-vous émouvoir par la nature. À bientôt. Ciao. Thank you.